الحصن البصري Dieu l'a fixé à son serviteur pour l'acte salutaire, aucun terme en deçà de la mort. Pour l'acte salutaire, il n'y a pas de terme. Et dans les deux Sahih, Sahih Bukhari et Sahih Muslim, selon Aïcha radiallahu anha, ou Raqqa ibn Nawfal. Raqqa ibn Nawfal, c'est une personne proche de Khadija radiallahu anha. Elle parle de l'histoire, ça il s'agit de la première, du début de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Khadija radiallahu anha, il a appelé Waraqa ibn Nawfal pour entendre ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Waraqa, quand il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de sa mission, au sujet de la première révélation, à savoir quand l'ange Jibril est venu le voir, il lui a dit « Lis, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur qui a créé », donc le premier verset. Waraqa ibn Nawfal, quand il a entendu ce qu'a dit le prophète, il a dit « Ah, si je reste vivant jusqu'à ce jour, je te prêterai main forte. « Wa ayyudrikni » C'est-à-dire, si je restais vivant jusqu'à ce jour, c'est-à-dire jusqu'au jour de ta mission, lorsqu'il te tu propageras le message, je te prêterai ma force. Il a dit ça alors qu'on sait que Waraqa ibn Nawfal était vieux et aveugle. Et dans une autre version, il a espéré être jeune et fort pour contribuer plus dans l'aide du prophète. Il était vieux et pourtant il a espéré soutenir le prophète. Il a dit dans une autre version, si je vis encore ce jour-là, Dieu sait ce que je servirai sa cause. Regardez la portée d'esprit, regardez l'himma, regardez le courage. Et suivant Anas, radiallahu anhu, Abu Talha al-Ansari, que Dieu l'a gré, radiallahu anhu, a récité la sourate Bara'a. Et puis il est arrivé au verset suivant. Léger ou lourd, lancez-vous au combat. Lorsqu'il s'est arrêté à ce verset-là, Infiru khifatan wa thiqalan, léger ou lourd, lancez-vous au combat. Et il a dit, je vois que notre Seigneur glorifié, subhanahu wa ta'ala, veut que nous nous mobilisions, que nous soyons jeunes ou vieux. Et puis il a appelé ses enfants, il a dit, mes enfants, préparez mon équipement, c'est-à-dire l'équipement pour le djihad. Puis ses enfants se sont étonnés, puis ils ont dit, que Dieu te soit miséricordieux, tu as combattu avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à sa mort. Et tu as combattu avec Abu Bakr, siddiq, radiallahu anhu, jusqu'à sa mort. Et tu as combattu avec Omar, radiallahu anhu, jusqu'à sa mort. Laisse-nous combattre à ta place. Et mais Talha, radiallahu anhu, il a dit, Abu Talha al-Ansari, il a dit non, non, mes enfants. Il a refusé, puis il a dit, préparez-moi. Ils l'ont préparé ils ont préparé sur ses armes et les vêtements de guerre. Et il s'est embarqué sur un bateau. Ils ont pris la mer et en mer ils n'ont pas trouvé il est mort, c'est-à-dire dans le chemin il est mort et ils n'ont pas trouvé d'île pour l'enterrer et il est resté 7 jours, comme rapporte Anas, il est resté 7 jours sur le bateau sans changer d'odeur, subhanallah, ça c'est un prodige, sans changer d'odeur et sans que son corps ne se décompose. Et après 7 jours, ils ont trouvé une île, et puis ils ont enterré Abu Talha dans cette île-là. Donc ça, c'est un exemple d'homme, il a atteint un âge avancé, mais il n'a pas chômé dans l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on a dit à l'imam Ahmed, cette version de Anas, elle est rapportée dans le Kitab Zuhd, l'imam Ahmed. Et on a dit à l'imam Ahmed, quand est-ce que le serviteur goûtera le repos? Et l'imam Ahmed, il a dit, lorsqu'il met le premier pas au paradis. Ça s'est rapporté dans le Kitab Tabaqat Hanabila. Quand est-ce que le serviteur goûtera le repos? Il a répondu, quand il met le premier pas au paradis. Et avant ça, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos, même si on atteint un âge très avancé. On doit, pour, il n'y a pas un terme, il n'y a pas une retraite. Une retraite anticipée ou n'importe quelle retraite. La personne doit agir jusqu'à la mort. Et beaucoup de prophètes, la majorité des prophètes, n'ont été envoyés, n'ont reçu la mission de propager le message d'Allah qu'après avoir atteint 40 ans. Le prophète Hassan n'a reçu la révélation qu'après avoir atteint l'âge de 40 ans. Et ils ont persisté dans la da'wah jusqu'à la mort. Et le grand exemple, c'est l'exemple de Nuh, alayhi salam. Nuh, 900 ans de propagation. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il a été frappé par Abu Lu'lu'a, le maudit, Abu Lu'lu'a, lorsqu'il a été poignardé, il dirigeait la prière, et Abu Lu'lu'a l'a poignardé, et il a vu la mort, et pourtant il n'a pas arrêté d'agir. Le sang coulait de lui, et il n'a pas arrêté d'agir pour l'intérêt de la communauté, pour l'intérêt des musulmans, et pour son propre intérêt lui aussi, radiallahu anhu. Et il a choisi. Au cours de quand le sang coulait de lui, il a choisi les membres de la consultation, le comité de la Shura, pour désigner le calife qui va venir après lui. Et lorsque un jeune homme est venu le voir, et puis lui a dit, il l'a complimenté, il lui a fait des éloges, il a dit que le prophète est mort, alors qu'il est satisfait de toi. Et Abou Bakr est satisfait de toi, la communauté est satisfaite de toi, mais lorsque la personne s'est tournée, Omar ibn Khattab lui a dit, quand il a vu qu'il traînait ses habits, lui a dit, lève tes habits parce que c'est propre pour tes vêtements et c'est une preuve de piété pour ton cœur. Donc il a changé le mal et il a ordonné le convenable alors qu'il est au chevet de la mort. Ça, c'est l'une des excuses. Une autre excuse aussi qu'invoquent certains frères. Ils disent qu'en prétexte, ils s'occupent de chercher le moyen de subsistance. Ils courent derrière le rizq. Il dit, le frère, il passe tout son temps dans la recherche de rizq et il se plaint à chaque fois du manque de moyens. Il te dit, il faut subvenir aux besoins des enfants, et le pauvre, il a oublié que sa subsistance est entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu le pourvoyeur. Allah Razzaq, Inna Allah Razzaq, Dhul Quwwati al-Matin. En plus, la recherche de rizq, la recherche des moyens de subsistance, il n'a pas empêché les compagnons et les tabi'in et les pieux prédécesseurs de cette communauté à participer dans le bien et la réforme. Toi, si tu participes, Allah t'aidera. Allah te pourvoira. Mais si tu cours derrière les moyens de subsistance sur le compte de l'adoration de Dieu, sur le compte de la contribution pour la propagation de l'islam, là, tu risques de te relâcher et en plus, tu ne recevras que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, Inna ruha al-Qudus nafasa fi raw'i, annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Saint-Esprit, Jibril, a insufflé en mon cœur qu'une âme ne mourra qu'après avoir achevé la subsistance qui lui a été décrétée. Créez donc Dieu et cherchez la subsistance de la plus belle manière. Ne la cherchez pas d'une manière illicite. Parce que ce que tu recevras, la subsistance que tu auras dans le bien, en obéissant à Allah, et la subsistance que tu auras en utilisant des moyens licites, c'est la même que celle que tu auras si tu la cherches par des moyens illicites. Si par exemple, dans ta vie, tu vas gagner, je ne sais pas moi, je ne sais pas, 200 millions au loto, ce 200 millions a été décrété par des moyens halal. Donc, demande ta existence de la plus belle manière. Le prophète sallam dit, le Saint-Esprit, Jibril alayhi salam, a insufflé en mon corps qu'une âme ne mourra qu'après avoir achevé la subsistance qui lui a été décrétée. Elle ne mourra qu'après avoir tout achevé. Donc, il dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, craignez donc Dieu. Craignez donc Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu dans cette voie? C'est-à-dire ne pas courir derrière la subsistance et la chercher sur le compte de l'adoration d'Allah et sur le compte de la chose à cause de laquelle Dieu t'a créé. Il t'a créé pour l'adorer. Il t'a créé pour soutenir sa religion. Mais courir derrière la subsistance, être préoccupé et ne pas dormir la nuit à cause de ça, il n'a que des répercussions mauvaises sur ton corps, sur ta religion, et tu n'auras que ce que Dieu t'a décrété. Donc je répète le hadith, le Saint-Esprit a insufflé en mon cœur qu'une âme ne mourra qu'après avoir achevé la subsistance qui lui a été décrétée. Craignez donc Dieu, cherchez la subsistance de la plus belle manière. Et que la longue attente, voilà la suite du hadith, et que la longue attente de la subsistance ne vous pousse pas à le chercher par des moyens illicites. Voilà. Car ce qui est auprès de Dieu ne peut être obtenu que par son obéissance. وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ لَا يُنَالُ بِالْحَرَامِ. Ce qui est auprès de Dieu ne peut être obtenu que par l'obéissance. Hadith rapporté par Ibn Majah, Ibn Hibban et par Abu Na'im et par d'autres rapporteurs. Donc, ça c'est un point très important. Et le problème c'est que certains, ils invoquent comme prétexte, ils te disent, ça c'est courant chez beaucoup de gens, ils te disent que le travail c'est de l'adoration. Ah oui? Le travail, c'est de l'amal ibadah, il te dit. Le travail, c'est de l'adoration. Il dit, il faut contribuer dans la da'wah, il te dit, non, non, non, le travail, de toute façon, le travail, c'est de l'adoration. Oui, d'accord. Le travail qui prend tout ton temps, le travail qui occupe tout ton esprit, le travail qui se fait sur le compte de la prière que tu réunis le soir, cinq prières, les cinq prières du jour, tu les mets. Tu réunis tout le soir, ou le travail que tu fais sur le compte de l'éducation de tes enfants, ou sur le compte de la cohabitation de la plus belle manière avec ta femme, ou sur le compte de beaucoup de choses, la personne court jour et nuit finalement, il n'aura que ce que Dieu a décrété pour lui. Donc ce travail-là qui se fait sur le compte de ces choses-là, ce n'est pas une adoration. Ce n'est pas une adoration de Dieu, c'est une adoration de Satan. Ça, c'est Satan qui te fait courir. Ce n'est pas une adoration d'Allah. Une adoration qui se fait sur le compte de l'obéissance de Dieu et sur le compte de l'éducation de ses enfants selon les règles de l'islam et sur le compte des actes d'obéissance. Ce n'est pas une adoration, c'est une adoration. Oui, c'est une adoration, mais c'est une adoration de Shaitan. Parce que le problème réside toujours, je le répète, le problème réside toujours dans l'aqida. Quand tu consacres ta santé, ton corps, ton esprit à ton patron, il est normal que ta santé, ton esprit ne te serviront pas dans l'adoration d'Allah. L'adoration devient lourde et tu n'oses même pas sortir un sou de ta poche pour la cause de l'islam et des musulmans. Donc, il faut faire gaffe, il faut faire attention à ce problème-là. Donc, la personne doit utiliser les bienfaits de Dieu, il doit utiliser l'ouïe, la vue, la santé dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala le pourvoira et il l'aidera. Puisqu'il a utilisé ses sens, il a utilisé son corps pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter le rizq. Et ça, c'est, on le voit, quand une personne s'accroche à la religion et il fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, il vit une bonne vie. Contrairement à l'autre, il court jour et nuit et il ne recevra que ce qu'Allah lui a décrété. Si Allah lui a décrété peu, même avec beaucoup de moyens, même avec beaucoup d'efforts, il ne recevra de toute façon que ce qu'Allah lui a décrété. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, le très haut dit, en ces maisons, fi buyout, en ces maisons que Dieu a permis d'élever et qu'il soit rappelé son nom, en ces maisons que Dieu a permis d'élever et qu'il soit rappelé son nom, là célèbre sa transcendance, yusabbihu, célèbre sa transcendance du matin au crépuscule des hommes que nulle affaire, nul commerce ne distrait du rappel de Dieu, de l'accomplissement de la prière, du versement de la zakat, et qui redoutent le jour où se révulseront les regards et les cœurs. Ce que dit Allah dans Sourate An-Nur, fi buyutin azima Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. En ces maisons que Dieu a permis d'élever et qui soit rappelé son nom. Wa yuzkara fiha ismuh. Là célébreront sa transcendance et sabbahu lahu fil ghudwi wal asal. Sa transcendance du matin au crépuscule des hommes. C'est des vrais hommes. Qui sont ces hommes-là? Des hommes que nulle affaire, nul commerce ne distrait du rappel de Dieu, de l'accomplissement de la prière, du versement de la zakat, et que redoutent le jour où se révulseront le regard et les cœurs. Est-ce que nous sommes comme ces gens-là? Est-ce que nous sommes vraiment des hommes que nulle affaire, nul commerce, ne nous détourne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'accomplissement de la prière et du versement du zakat? Nous implorons Allah qu'il nous fasse parmi ces gens-là. Imam Malik, rahimahullah, dans Kitab al-Zuhd, de l'imam Ahmed, l'imam Malik a dit: au fur et à mesure que tu te consacres ou que tu te soucies de ce monde ici-bas, le souci de l'au-delà sort de ton cœur. Au fur et à mesure que tu te soucies de ce monde ici-bas, le souci de l'au-delà sort de ton cœur. Et même au travail, bon, supposons que tu travailles 12 heures par jour, est-ce que tu profites de l'occasion pour faire le da'wah à un collègue, à quelqu'un qui travaille avec toi, ou tu travailles avec lui des années et des années sans jamais lui parler de l'islam, sans jamais l'appeler à l'islam? Certes, le travail devient une adoration quand tu l'exploites dans la da'wah. Une autre personne dira, d'autres personnes, ils invoquent comme prétexte, ils te disent, écoutez, le train m'a devancé, les moyens se sont renouvelés, le temps a changé, je ne réussis pas à faire les choses convenablement, et maintenant, bon, il te dit, dans ces circonstances, les choses m'ont dépassé, je ne peux pas suivre le fil des choses. Et le problème, c'est que ça, c'est dû au manque de responsabilité et à l'insouciance et à l'indifférence et à l'insensibilité. Malik ibn Dinar a dit, les poitrines des croyants brûlent d'envie de faire les actes salutaires. Et les poitrines des pervers brûlent d'envie de faire les actes pervers. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah le Très-Haut, regarde les choses qui vous préoccupent. Ayez donc soin de bien voir vos préoccupations. Donc, c'est les choses. Alors, après, il voit ce qui est dans nos cœurs, il voit les choses que nous voulons faire. Donc, la personne, le musulman, il brûle d'envie toujours de faire des actes salutaires. Il veut toujours contribuer, peu importe l'époque. Comme prétexte aussi, certains utilisent, écoutez, bon, il faut laisser la place aux autres, il faut laisser la place aux jeunes. Et ça, c'est une excuse très répandue. C'est comme si ce domaine connaît une grande affluence. Quand tu lui dis, il faut contribuer, il dit, écoutez, il faut laisser la place aux jeunes maintenant, la nouvelle génération, ils peuvent faire mieux que nous. Alors, comme je dis, comme si ce domaine, il connaît une grande influence. Si au moins ce frère a laissé la place aux autres dans la recherche des moyens de subsistance, dans la recherche d'un poste de travail, alors on sait que dans la recherche, il y a des queues de gens, il y a une grande influence des gens qui attendent avec impatience un poste libre. Pourquoi il ne laisse pas la place? Pourquoi il ne cède pas la place à ses frères? Il dit, il faut laisser la place aux autres. Dans le travail, non, il le fait, mais dans la da'wa, qui est la grande mission, ou dans la contribution pour la propagation de l'islam, non, il dit, écoutez, il faut laisser la place des autres. On sait que dans ce domaine-là, le terrain est vide. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. C'est-à-dire, c'est dans les bonnes œuvres que doivent rivaliser les gens. Il dit, on leur donne à boire d'un nectar scellé, l'arôme en est le musc. Et puis à la fin de ce verset, il dit, et que pour cela, c'est-à-dire pour jouir du paradis, du nectar scellé, de l'arôme, il dit, et que pour cela, les rivaux rivalisent. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, faites à sous envie d'obtenir de votre Seigneur un pardon. Un jardin à l'échelle des cieux et de la terre, déjà prêt pour ceux qui se prémunissent. Il dit ça dans Sourate Al-Imran. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, en décrivant les croyants, il dit, ceux-là se précipitent vers les bonnes œuvres et sont les premiers à les accomplir. Sourate 23. Ceux-là, oulaïka, yusari'ouna fil khayrat. C'est comme ça que doit être un musulman. Il doit se précipiter vers les bonnes œuvres. Il doit faire à son envie d'obtenir de son Seigneur le pardon. Et il doit rivaliser. Dans ça, il doit rivaliser. Dans les bonnes œuvres, dans les adorations d'Allah, dans la propagation de l'islam, dans la contribution à l'islam qu'il doit œuvrer. Omar, radiallahu anhu, on sait que dans la sirah de Omar, il essayait constamment de devancer Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, dans les bonnes œuvres. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, sa communauté, c'est-à-dire la communauté du prophète sallam, dans son ensemble prend sa place dans la da'wa vers Allah, dans la propagation. La communauté de Muhammad sallam, de notre prophète, il prend la place du prophète sallam dans la propagation de l'islam. Et il dit, c'est pour cela que son consensus est une preuve péremptoire. Il dit, c'est pour cela que le consensus, les ijma, le consensus de la communauté est une preuve solide, est une preuve péremptoire. Et il dit, sa communauté ne saurait se réunir autour d'un égarement. Et lorsqu'ils sont en désaccord sur une question, ils la déferent à Dieu et à son messager. Donc toute sa communauté prend la place du prophète dans la propagation de l'islam. Et il continue, il dit, chaque individu de la communauté doit s'acquitter de la part de la da'wah dont il est capable si quelqu'un d'autre ne s'en acquitte pas. Obliger personne, quand il a des compétences de propager, mais qu'il ne le fait pas, ben, c'est qu'il encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme excuse aussi, certains qui disent, oui, je veux travailler avec la Jama'a, je veux vous aider, je veux contribuer, mais je n'ai pas de plan, je n'ai pas de programme. Ils sont trop savants. Et au Mashaïk, beaucoup font ça. Ils disent, non, je n'ai pas de programme, je ne sais pas, je n'ai pas de plan vraiment. Et ils disent, c'est les savants, ils font rien, et les savants, néglige les choses, il s'en prend à eux, il attend tout d'eux. Il vide tout son répertoire de reproches sur le savant, les savants. Et il ne pense pas, il ne peut pas faire un programme dans son petit cercle où il vit ou dans son travail. Il attend que le programme pour qu'on lui présente sur un plat. Ça, c'est l'une des excuses. Il ne pense pas que, il réfléchit pas, il ne fait pas de programme dans sa tête où il vit toujours son, il vide son répertoire sur les grands savants. Mais le problème, c'est que lorsqu'il veut construire une maison, il fait 1000 programmes. Là, lorsqu'il veut, ou lorsqu'il veut passer ses vacances ailleurs, dans une ville, où il met le programme, il planifie les choses, il a son calendrier bien arrangé, le lundi ce qu'il va faire, le mardi. Alors pour les choses de la vie, il fait 1000 programmes. Mais lorsqu'il s'agit de la da'wa, de la propagation de l'islam, ah, je n'ai pas de plan dans la tête, il ne fait même pas l'effort. Sincèrement, les paresseux ne faut pas s'attendre de la da'wa. Parce que vraiment, propager ou contribuer, c'est une question de préoccupation intérieure. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui, quand il met la tête sur son oreiller, il pense qu'est-ce qu'il va faire pour l'islam le lendemain. Et une autre personne, qu'est-ce qu'il fait pour les choses de la vie, ou là, une maison, il est encore, il n'a pas complété la construction, pas terminé la construction d'une telle maison au bled, ou des choses comme ça qui trottent dans sa tête et qui l'empêchent de dormir. Comme prétexte aussi, c'est s'occuper de critiquer les autres. Ça, c'est un grand problème. Ça, c'est un problème très courant. S'occuper de critiquer les autres. Celui-là ne sait pas faire cette chose, celui-là ne sait pas faire une leçon, celui-là ne sait pas écrire un article, celui-là ne sait pas faire un travail convenable, etc. Critiquer, critiquer, critiquer, critiquer. Il n'y a pas de chose plus facile que de critiquer les autres et s'en prendre à eux et de leur faire des reproches. Al-Hassan al-Basri, rahmahullah, il a dit dans la description des gens de ce genre, il les a trouvés une fois réunis dans la mosquée en train de bavarder, et il a dit, ces gens-là se sont lassés de l'adoration, ils ont trouvé dans le papotage une chose très facile, ils ont manqué de scrupules, et ils se sont livrés au papotage. C'est pas plus facile que le papotage, que le blabla. Al-Walid ibn Mazid, rahimahullah, il a dit, j'ai entendu l'Auza'i, le grand savant l'Auza'i. Il avait un madhhab à lui seul. C'est une école à lui seul, l'imam Auza'i. Il a dit, j'ai entendu l'Auza'i dire, le croyant parle peu, mais agit beaucoup. L'hypocrite parle beaucoup et agit peu. Ça, c'est le signe du croyant. Ça, c'est rapporté par Kitab Siyar A'lam Nubala. Et parmi aussi les symptômes de ces gens-là, c'est l'exagération et l'utilisation de grandes lentilles pour voir les. Ou pour scruter les petites erreurs, les petites fautes des autres. Et Abu Huraira radiallahu anhu, il a dit, l'un de vous regarde le brin de paille dans l'œil de son frère et oublie la branche d'arbre dans son œil. C'est vrai. Comme c'est rapporté par Fadlullah As-Samad dans Sharh l'Adab al-Mufrad. Comme prétexte aussi, il te dit, tu dis, Akhi, il faut contribuer, il faut nous aider, il faut. Il te dit, de toute façon, je ne suis pas le seul. Regarde telle personne, il a plus d'argent que moi, plus de connaissances que moi, et pourtant il ne contribue pas dans la propagation de l'islam. Il ne fait rien pour le soutien des opprimés. Et il énumère un bon nombre d'entre eux. C'est comme la da'wa se réduit à ces gens-là. Et il a oublié, le pauvre, qu'il va être enterré tout seul. Et qu'il sera ressuscité tout seul. Il comparaîtra seul devant Dieu. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Il ne faut pas dire, de toute façon, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de monde avec moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et au jour de la résurrection, Chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Tu vas être enterré tout seul. On te demande, ce n'est pas un prétexte que Dieu acceptera. Ce n'est pas une excuse de dire, je ne suis pas le seul à faire ça. Beaucoup font ça, font pareil. Beaucoup ont plus de moyens, ont plus de connaissances, ils ne contribuent pas. Pourquoi moi? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, parce que ces gens, ils font cette analogie, il dit, quand le mal se répand, quand beaucoup de gens sont touchés, ben, on n'est pas les seuls, on se sent tranquillisé du moment que les autres partagent avec nous le malheur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il dément ce prétexte-là, et il dit, ce jour-là, le jour de la résurrection, les choses seront différentes. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Ar-Rum, ce jour-là ne peut servir aux iniques aucune de leurs excuses. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, de rien ne vous servira en ce jour, quand vous fûtes inique d'être conjoint dans le châtiment. De rien ne vous servira en ce jour, quand vous fûtes inique, quand vous fûtes injuste, d'être conjoint dans le châtiment. C'est-à-dire d'être ensemble en groupe, ça ne va pas vous servir. Vous ne serez pas tranquillisé, ou ça ne vous apaisera pas le fait que vous soyez ensemble dans le châtiment. Qu'Allah nous préserve du châtiment d'Allah. Ce verset, il est dans Sourate Zukhruf. Ibrahim al-Harbi, rahimahullah, il a dit à propos de l'imam Ahmed, il a dit, je l'ai accompagné 20 années. Hiver et été, quand il fait chaud et quand il fait froid, jour et nuit. Jour et nuit. Et il ne fait que progresser jour après jour. Ça s'est rapporté dans Kitab al-Zuhd. Hamad ibn Salama, rahimahullah, il a dit, il n'y a pas d'heure d'adoration de Dieu qui passe sans que nous voyions Sulayman al-Taymi. Ça, c'est le pieux prédécesseur que nous devons prendre comme modèle. Il dit, il n'y a pas d'heure d'adoration de Dieu qui passe sans que nous voyions Sulayman al-Taymi adorer Dieu. Si c'est à l'heure de la prière, nous le voyons prier. Si ce n'est pas à l'heure de la prière, il est soit en état de pureté ou au dos, ou en train de visiter un malade, ou suivre un cortège funèbre, ou assis dans la mosquée. Nous voyons, il dit voilà, nous voyons qu'il ne sait pas désobéir à Dieu. La yuhsinu an ya'si. Nous voyons qu'il ne sait pas désobéir, qu'il ne sait pas désobéir à Dieu. Ça s'est rapporté dans Hilyat Awliya, Siyar A'lam Nubala, et aussi dans Siyar A'lam Nubala. Jarir ibn Abdullah al-Hamid a dit, il n'y a pas une heure qui passe sans que nous voyons Sulayman al-Taymi nous donne quelque chose en aumône, sinon il fait deux rak'at. Regardez ces gens, subhanallah. Comme prétexte aussi, il y a des gens qui sont sensibles aux critiques, sont très sensibles aux critiques, aux reproches. Certains ne veulent pas qu'on leur fasse des reproches ou qu'on leur demande des comptes ou qu'on les critique. Quand ils sont confrontés à cela, soit ils éprouvent un sentiment d'abattement, ils se disent qu'ils ne savent rien, ils ne savent pas bien faire les choses, soit qu'ils pensent qu'ils ont atteint un degré au-dessus de la critique. Et ils s'étonnent comment telle personne les critique. Et ces gens-là, ils tombent des fois dans le relâchement. Il y a certains da'iyas, certains propagateurs de foi. Bon, ils font les leçons, ils font la da'wah, mais quand les gens les critiquent, ils tombent dans l'abattement, ils disent oh là là, je ne sais rien, voilà cette personne, je suis tombé dans telle erreur, je suis tombé dans telle erreur, et ils tombent dans le relâchement. Ils sont très sensibles aux critiques. Et où sont ces gens de Omar, radiallahu anhu, il a dit à ce sujet, il a dit que Dieu accorde sa miséricorde à quiconque m'a fait présent de mes défauts. Allah. Quand on l'énumère ses défauts, c'est un présent qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'on lui dit, voilà, tu as fait telle erreur, telle erreur, tu as un tel défaut, pour qu'il se corrige. Il dit que Dieu accorde sa miséricorde à quiconque m'a fait présent de mes défauts. Il considère que lui montrer ses défauts, c'est un présent qu'on lui offre. Et où en sont-ils aussi de Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah, qui a dit, le calife bien guidé, le calife Abbaside, et le grand savant, l'imam Qurayshid, le grand Omar ibn Abdelaziz, il a dit à son affranchi Muzahim, il a dit, les gouverneurs ont désigné des agents pour avoir le commun des gens à l'œil, pour scruter ou surveiller le commun des gens. Il a dit, les gouverneurs ont désigné des agents pour avoir le commun des gens à l'œil, le peuple à l'œil. Et moi, je te désigne comme mon œil sur ma personne. Si tu m'entends dire quelque chose que tu n'admets pas, ou un acte qui te déplaît, conseille-moi, avertis-moi. Regarde ce que dit Omar ibn Abdelaziz. Et Bilal ibn Sa'd a dit à son compagnon, on m'a dit, ça c'est l'un des plus prédécesseurs, il lui a dit, on m'a dit que le croyant est le miroir de son frère. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te déplaît en moi? Voilà. Il ne faut pas être sensible aux critiques. Tout le monde commet des erreurs. Et cela ne doit pas t'empêcher de propager et de contribuer à l'islam. Tout le monde fait des erreurs et tout le monde subit les critiques. Mais il faut se maintenir sur le chemin et voir loin. C'est que le but, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on est en perpétuelle correction, on se corrige tout le temps. Maimon ibn Mahran, il a dit, dites-moi en face ce qui me déplaît, car l'homme n'est de bon conseil pour son frère que quand il lui dit en face ce qui le déplaît. Certaines personnes aussi, ils tombent comme des mouches du moment qu'on n'évoque pas leurs œuvres, qu'on ne les loue pas, qu'on ne leur fait pas des éloges. C'est comme s'ils font ça pour les gens. Ils travaillent pour les gens et non pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il te dit, il n'y a personne qui estime mes efforts, il n'y a personne qui met les gens à leur place, il n'y a personne qui met les gens au rang qu'ils méritent. Les gens n'estiment plus le travail. Il t'invoque ce prétexte-là. Rabi' ibn Khaytham, radiallahu anhu, a raison de dire, toute chose par laquelle on ne cherche pas le visage de Dieu régressera. Quand tu œuvres, quand tu contribues, il ne faut pas le faire pour les gens. Il faut le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, Dieu le Très-Haut le dit, nous ne vous nourrissons que pour l'amour de Dieu. Nous n'attendons de vous ni récompense ni gratitude. Donc il dit sur ces gens-là, sur les serviteurs du miséricordieux, qu'est-ce qu'ils, quand ils œuvrent, ils disent, quand ils nourrissent les gens, ils disent, nous ne vous nourrissons que pour l'amour de Dieu et nous n'attendons de vous récompense ni gratitude. Comme il dit à 31 dans Surah l'Insan, l'homme. Il y a aussi l'un des défauts des gens qui tombent dans le relâchement, c'est qu'ils déploient leur énergie dans le chuchotement, dans le conciliabule. Il tient conciliabule avec quelqu'un à propos de son chir, il lui dit, écoute, mon chir, il manque de compétences, et il n'a pas de programme, et qui respecte l'évolution du temps, et qui répond aux exigences de l'époque. Et là, si son compagnon, celui qui l'a écouté, est d'accord avec lui, bon, il passe chez une autre personne pour lui tenir le même discours. Et cette maladie se trouve beaucoup chez les étudiants, c'est les talab al-ilm. Talab al-ilm, ceux qui apprennent la science et qui sont dans l'incapacité de suivre les autres étudiants. D'accord? Il dit, voilà, le cheikh est incompétent et lui, il n'a pas, Il n'a rien en échange, ni programme à suggérer, mais ce qui l'a poussé à agir ainsi est soit l'envie, quand il est jaloux, l'envie, soit la lassitude, soit aussi le désir de prévaloir, soit parce qu'il ne veut pas être le seul à se couper de la caravane. Ça, c'est surtout dans les talabelins, les étudiants. Quand quelqu'un lâche, il ne peut pas suivre les autres dans le rythme, ben il commence à chuchoter, il commence à critiquer, il commence à tenir le conciliabule, le munajat. Le grand savant As-Sari Saqati al-Baghdadi, il a dit, je n'ai pas vu. Ce grand salaf, il dit, je n'ai pas vu de choses qui rend vaines les actions, corrompt les cœurs, hâte la perdition des serviteurs, pérennise le chagrin, rapproche de l'abomination de Dieu, fait désirer l'ostentation, l'infatuation de soi-même, le pouvoir, l'infatuation de soi-même, le pouvoir, pire que le manque de connaissance de soi et le souci d'épier les défauts des autres. Il dit, je n'ai pas vu de choses plus graves que ça, plus graves. De choses qui rendent vaines les actions, qui corrompent les cœurs, qui hâtent la perdition du serviteur, qui pérennisent le chagrin, rapprochent de l'abomination de Dieu, fait désirer l'ostentation, l'infatuation de soi-même et le pouvoir, pire que le manque de connaissance de soi et le souci d'épier les défauts des autres. Ibn al-Qayyim a dit, parmi les règles de la loi et de la sagesse, il y a le fait que celui dont les bonnes œuvres sont multiples et très importantes, celui qui, dans l'islam, a un effet considérable, il faut supporter ce qui vient de lui, ce qu'on ne saurait supporter d'autrui. Il faut lui pardonner ce qu'on ne pardonne pas aux autres, car le péché est une impureté. Et une eau qui atteint la contenance de grandes cruches ne peut être souillée par quelque impureté. Voilà. Ça, c'est une parole de sagesse d'Ibn al-Qayyim. Il dit, quand quelqu'un a un grand savant, il faut lui pardonner ce qu'on ne saurait pardonner à autrui. Parce que lui, il œuvre tous les jours. Donc, il risque de tomber dans l'erreur d'un moment à l'autre. Et il a dit un exemple, ça c'est comment le grand savoir et l'intelligence. Il déduit ça du hadith qui a un rapport avec les ablutions, un rapport avec le statut des eaux, c'est-à-dire qui concerne la jurisprudence. Il dit, une eau, le péché est une impureté. Et une eau qui atteint la contenance de deux grandes cruches, c'est un hadith. Pour ça, il dit, l'eau qui a la contenance de deux grandes cruches, ne saurait porter de l'impureté. Et il dit, une eau qui atteint la contenance de deux grandes cruches ne peut être souillée par quelque impureté. Donc c'est une grande quantité, donc une petite impureté ne va pas la souiller, contrairement à une petite contenance d'eau. Donc c'est normal qu'il va être souillé du moment qu'une simple impureté tombe dedans. De même le savant. Le savant, il a contribué, il a beaucoup donné à la communauté, il a beaucoup d'œuvres salutaires, il a beaucoup de hasanat, donc une simple impureté ne va pas souiller ces hasanat-là. Donc il faut reconnaître ce point-là et on continue, inshallah. Prochainement, subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.